Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que pouvons-nous apprendre des rois sacrés ? À quelles conditions, demande Philippe Descola, passe-t-on d'une figure qui représente le bien-être de sa communauté, sans disposer d'un pouvoir effectif, à la figure d'un roi exerçant une réelle souveraineté sur ses sujets, sinon sur la terre qu'ils occupent. Quelles sont les thèses de Maurice Hocquart et de Pierre Clastre sur cette question ? Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, poursuit sa grande enquête sur les genres de rapports à la terre que les collectifs analogistes non modernes ont développés. Le chercheur enseignant, qui dirige un laboratoire mixte du Collège de France, de l'EHESS et du CNRS, et qui a élaboré une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains, reprend sur plusieurs cours la figure du roi sacré, théorisée par James Fraser avec son célèbre ouvrage « Le rameau d'or » en 1922, et Maurice Hocquart, auteur notamment de « Kingship » en 1927, et plus tard de « Kings and Counselors », « Rois et courtisans » dans sa version française. Philippe Descola s'est attaché dans le cours précédent à l'analyse de l'hypothèse de Maurice Hocquart qui voit dans l'institution de la royauté sacrée la fondation de l'État moderne. Du fait, nous dit-il, que l'organisation rituelle est devenue la forme par défaut de l'organisation étatique. Philippe Descola a notamment expliqué que selon Hocquart, l'État et son appareil seraient des transformations fonctionnelles des structures rituelles qui les précèdent, une transposition de la division du travail liturgique de la royauté sacrée dans la division technique du travail administratif. Aujourd'hui, à côté des Mundong du Tchad, nous retrouvons les guerriers amérindiens et Philippe Descola nous propose d'interroger les thèses de Pierre Clastre en notant cependant qu'il ne s'est pas directement occupé des collectifs analogiques, mais il aborde ces questions de manière oblique. Nous retrouvons aussi les travaux d'Alfred Adler qui discutent les thèses de Pierre Clastre. Quels sont alors les moyens des sociétés sans État pour prévenir, contenir le surgissement d'un pouvoir solitaire ? Peut-on distinguer un parallèle entre le guerrier amérindien et le roi divin Mundong ? Comment la société se débarrasse-t-elle de ses maîtres ? Pourquoi faut-il mettre à mort le roi sacré ? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 22 février 2017 pour le cours de Philippe Descola, Les usages de la terre cosmopolitique de la territorialité. Aujourd'hui, le roi sacré et l'émergence d'un État coercitif. La question de l'émergence d'un pouvoir politique coercitif dans une société acéphale a également été posée par Clastre. Même si ce qu'il appelle les sociétés indiennes, tout entières mobilisées contre l'émergence de l'État, sont en réalité, pour lui, ce que j'appelle moi, des collectifs animistes d'Amazonie. Cela dit, la figure de l'État, pour Clastre, ce sont les collectifs analogistes des Andes, c'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est pour lui la forme pervertie de la sociabilité amérindienne, dans laquelle un individu s'est détaché du corps social pour exercer un pouvoir despotique. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui, l'anthropologie politique de Clastre, en commençant par relever un paradoxe. Alfred Adler, dont j'ai parlé lors de la leçon précédente, et dont j'ai évoqué donc les travaux sur la royauté sacrée des Mundang, et Pierre Clastres, étaient intellectuellement proches. C'étaient tous les deux d'anciens militants communistes qui avaient très tôt dénoncé les crimes du stalinisme, qui étaient influencés par Claude Lefort et par le mouvement Socialisme et Barbarie. Ils ont l'un et l'autre participé à la création de la revue Libre, dont l'orientation générale était inspirée précisément par Lefort et par Cornelius Castoriadis également, et par l'ambition de proposer une réflexion politique rénovée à égale distance du marxisme dogmatique et de la pensée libérale. Donc Adler et Clastres ont participé d'ailleurs l'un et l'autre à un numéro de la revue Libre, un numéro très intéressant qui est consacré à la question de l'État, vue par, disons, l'anthropologie politique, dans lequel Adler développe l'idée, dans un article qui s'appelle « Faiseur de pluie, faiseur d'ordre », que le pouvoir du chef ou du souverain est, en Afrique, de nature sacrée plutôt que directement politique, tandis que Clastres, dans l'article qu'il écrit, dans ce même numéro, qui s'appelle « Archéologie de la violence », et parlant, lui, des sauvages, ce qu'il appelle les sauvages en général, mais en réalité il s'agit des Amérindiens, des basses-terres d'Amérique du Sud, Clastres argumente que la guerre y est le principal moyen pour maintenir ce qu'il appelle la société primitive indivisée, car la guerre empêche quiconque de s'élever au-dessus des autres. Et d'une certaine façon, Clastres et Adler, chacun dans son article, parlent de la même chose, mais dans des contextes ethnographiques bien différents. Et cette chose, c'est, au fond, la question: quels sont les moyens employés par des sociétés sans État pour contenir ou pour prévenir le surgissement d'un pouvoir solitaire, pour prévenir ou pour contenir la division de la société entre un despote représentant la totalité du corps social et le reste de ses membres qui sont sous son pouvoir. La solution africaine, disons, que présente Adler, consiste à séparer le roi divin de l'exercice effectif du pouvoir, en lui déniant tout contrôle sur la terre et tout contrôle sur l'exercice décentralisé de l'autorité politique par les clans et par les lignages, tandis que la solution amérindienne, défendue avec une grande vigueur par Clastres, consiste à empêcher l'émergence de la division en obligeant le guerrier épris de prestige à s'engager sans cesse dans des affrontements où il finit par être tué, rendant ainsi impossible qu'il puisse introduire le germe de la division en accaparant le pouvoir par les armes. Donc Adler et Clastres parlent au fond de la même chose. Mais dans leurs articles respectifs publiés dans le même numéro de la revue Libre, ils ne font guère référence aux travaux de l'autre, comme si la spécificité de leurs assises ethnographiques respectives les empêchait de nouer un dialogue sur les conditions d'apparition de l'État. Et c'est une dizaine d'années après la mort prématurée, accidentelle, de Clastres en 1977, qu'Adler va discuter ses thèses dans un article qui s'appelle « La guerre et l'État primitif ». Je voudrais donc revenir sur cet article qui est d'une certaine façon l'amorce d'une discussion posthume qui n'a pas eu lieu, en tout cas du vivant de Clastres. L'objectif de cet article d'Adler, c'est précisément de montrer ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions alternatives pour prévenir l'émergence de l'État. Et donc, Adler entreprend, à travers l'exemple de la royauté sacrée Mundang, dont j'ai beaucoup parlé dans la leçon précédente, de montrer comment cette royauté sacrée peut s'inscrire, par certains de ses mécanismes fondamentaux, dans la problématique de la société contre l'État de clastres. Et pour ce faire, Adler commence par souligner que le roi Mundang, je crois que je l'avais déjà dit, n'exerce pas de fonction régalienne associée à l'État, et notamment l'administration de la justice, qui est du ressort exclusif des clans. Les meurtres, l'adultère, les vols sont vengés selon la logique de la vendetta. Le crime crée une dette qu'il faut éteindre par la mort d'un adulte du clan du coupable. Mécanisme tout à fait classique. Le roi n'a donc aucune autorité judiciaire, ni de force publique pour la faire respecter. Il peut cependant, dans certains cas, donner asile dans son palais à un criminel qui devient alors un homme du roi, un homme liege. Le roi Mundang est donc le seul personnage hors clan. Et Adler écrit « Si l'État, comme le pense Clastres, prend naissance dans la division qui sépare les détenteurs du pouvoir du reste de la société, les Mundang semblent bien avoir recherché la division minimale compatible avec l'existence d'une royauté. Car seul le clan possède le cadre conceptuel où s'inscrivent les valeurs du groupe, seul le clan contient les forces visibles et invisibles capables d'assurer et de protéger l'existence sociale et juridique des personnes. En échange, le roi, il apporte, on l'a vu, la sécurité métaphysique, disons, c'est-à-dire une puissance qui, à l'origine, n'est liée à aucune volonté politique, mais qui, une fois constituée, ne demande qu'à s'accroître. C'est ça la question. Et la guerre joue un rôle dans cet édifice en équilibre instable. Elle est sous la responsabilité du roi, soit pour des opérations défensives contre les chefferies et principautés des environs, qui, dans le cas Mundang, sont des peuls pour l'essentiel, soit pour les raids et pour les razzias menés contre des tribus voisines, qui sont des expéditions qui ne servaient qu'à enrichir le roi en lui procurant des femmes, du bétail, des captifs pour le palais et des esclaves à troquer. Or, et Adler est très clair sur cette question, ni la puissance de l'instrument militaire dont il disposait, ni la facilité des proies auxquelles il s'attaquait ne poussèrent jamais le roi Mundang à se conduire en conquérant et à utiliser sa force militaire pour augmenter son pouvoir. On a donc, avec ce cas, avec le cas Mundang, une royauté sacrée capable de déployer vers l'extérieur une force armée, tandis qu'elle demeure, à l'intérieur de ses frontières, une force magico-religieuse assujettie au régime des valeurs claniques. Et Adler se demande donc, et à très juste titre, si ce dispositif, du point de vue de la logique sociale, n'est pas comparable au mécanisme de la guerre contre l'État dont Clastres fait la théorie. Alors, rappelons en effet que cette théorie que Pierre Clastres développe dans la dernière année de sa vie, puisqu'il publie cet article en 1977, peu de temps avant de mourir. Rappelons que cette théorie est assez paradoxale du point de vue de l'expression du pouvoir, puisque d'un côté, elle met en avant l'existence dans ce que Clast appelle les sociétés indiennes, et donc il s'agit en fait, on l'a vu, des sociétés amérindiennes de basse terre, tant d'Amazonie que du Chaco et de Patagonie, il s'agit d'un corps de guerriers qui détient le monopole de la violence organisée et qui contient donc, dans la division entre une sorte d'organe spécialisé et le reste du corps social, la menace d'une séparation entre maître et sujet. Et tandis que d'un autre côté, la société stérilise les potentialités sécessionnistes et coercitives de ce groupe spécialisé en condamnant chacun de ses membres en quête du prestige qu'il reçoit des autres membres du corps social, les condamne à accomplir des exploits de plus en plus extraordinaires qui ne peuvent que conduire les guerriers à la mort. Et comme le suggère Adler, il y a donc bien un parallèle entre les guerriers amérindiens et le roi divin Mundang. Un trait qui leur est commun est en effet leur singularité, reconnue par un statut qui les met à part et au-dessus du reste de la société. Et dans les deux cas, la supériorité, elle est donnée ou conquise par la possession et l'expression d'une force qui met son détenteur en position de donneur par rapport à tous les autres. En effet, le guerrier amérindien, dans la perspective de Clastre, échange le prestige contre l'exploit, tandis que le roi divin donne l'appui et la fécondité en échange des exactions auxquelles il peut se livrer impunément et des épouses qu'il reçoit des clans et des lignages. En outre, et c'est là peut-être que le parallèle est le plus significatif, dans les deux cas, et là je cite Adler, la singularité du statut ne détruit pas l'indivision du corps social malgré la différenciation qu'elle y introduit. On a donc une différence, mais une différence qui n'est pas suffisante pour introduire une division, tant dans le cas de la royauté que dans le cas des guerriers amérindiens. Enfin, dans les deux cas également, la destinée de ceux qui sont séparés des autres est la mort. Le guerrier, parce qu'il est condamné du fait de l'audace dont il doit témoigner en permanence dans la recherche des exploits, et le roi, parce que sa mise à mort est la condition pour que, selon la formule de Fraser, je cite Fraser, « vive la royauté et soit sauvegardée l'éternelle vigueur de ses fétiches ». Dans l'un et l'autre cas, la société se débarrasse donc de ses maîtres en mettant un terme à leur existence, soit directement dans le cas du régicide, soit indirectement en poussant les guerriers à se lancer dans des exploits de plus en plus périlleux qui finissent par leur coûter la vie. Ce que ce parallèle met en évidence, c'est que même dans des collectifs où l'État est présent, disons, de façon embryonnaire, comme dans la royauté divine Mundang, il existe des mécanismes de contention de l'extension du pouvoir du monarque qui se révèle au fond assez efficace pour empêcher une réelle division entre maître et sujet. De ce point de vue, l'analyse d'Adler montre que l'on ne peut réduire, comme le fait Clastre, la question du contrôle du pouvoir d'un individu sur les autres à une simple opposition entre société sans État parvenant à prévenir l'émergence de la division et société à État dans lesquelles la séparation entre le despote et ses sujets est irréversible. Il peut y avoir, en effet, comme dans le cas des royautés divines, des États en gésine ou à peine constitués qui parviennent néanmoins à circonscrire la puissance du souverain dans un registre particulier, qui est la reproduction symbolique des conditions de la vie, l'empêchant ainsi de convertir cette puissance en un pouvoir absolu. Alors, si les mécanismes œuvrant à l'indivision de la société sont analogues dans la royauté divine et dans les sociétés acéphales amérindiennes, et si ce n'est donc pas l'État qui, en tant que tel, organise la division entre un maître et ses sujets, d'où provient cette division ? Étant entendu que la croissance démographique, comme on l'a vu à propos des sociétés nilotiques, ne fournit pas véritablement une réponse satisfaisante. Alors, pour mieux qualifier cette question, il faut revenir à l'anthropologie politique de Clastres pour réfléchir à la façon dont il a théorisé, au fond, cette question, et l'a discuté, avant de développer l'idée que la guerre est une machine pour prévenir le surgissement de la division dans la société primitive. En effet, Clastres avait assigné cette fonction de prévention, de contention du surgissement d'un pouvoir séparé. Auparavant, il l'avait assigné à la figure du chef sans pouvoir. C'était l'argument central de son article « Philosophie de la chefferie indienne », un article de 1962 qui a eu énormément d'écho et qu'il a repris de façon plus détaillée dans son œuvre majeure, « La société contre l'État ». L'article date de 1962, « La société contre l'État » date de 1974. Je rappellerai brièvement l'argument. Il est formulé sans ambiguïté dans l'article « Philosophie de la chefferie amérindienne ». Je cite Clastres. « La propriété la plus remarquable du chef indien consiste dans son manque à peu près complet d'autorité. » Alors, j'avais discuté il y a quelques années déjà dans un article de la Revue française de sciences politiques la généralité de cette assertion en signalant que tant dans les Andes avant l'Empire Inca qu'à la périphérie des Andes, mais aussi dans des régions des basses terres, les ethno-historiens, les premiers chroniqueurs, et maintenant les archéologues, font état de l'existence commune de formations politiques qui sont à l'évidence relativement stratifiées. On les trouve dans la région de l'Isthme, on les trouve au Panama, au Nicaragua, on les trouve dans le nord du Venezuela, dans les Grandes Antilles, dans le nord et dans l'est de la Colombie, on les trouve dans les plaines tropicales de l'est bolivien, on les trouve le long de l'Amazone et même maintenant, semble-t-il, au Brésil central. En outre, les sites archéologiques de l'Orénoque et, comme je viens de le dire, du Brésil central et de certains grands fleuves de la haute Amazonie témoignent de l'existence ancienne d'établissements humains très denses, d'aménagements agricoles complexes qui ne s'accommodaient sans doute pas d'une organisation sociale totalement égalitaire. Donc je ne reviendrai pas sur cette question, d'autant qu'il est par ailleurs hors de doute que la figure du chef sans pouvoir existe bien en Amérique du Sud. Elle est simplement, disons, loin d'être aussi générale que l'affirmait Clastres. La figure du chef sans pouvoir, elle avait été mise en évidence dès 1948 par Robert Lowy, dans un article qui a eu beaucoup d'effets, notamment celui d'inspirer Clastres, qui s'appelait « Some Aspects of Political Organization Among the American Aborigines », qui a été publié dans le Journal of the Royal Anthropological Institute. Dans cet article, Robert Lowy dresse un tableau des formes d'organisation politique qui sont propres aux indigènes nord et sud américains. Et il distingue deux figures principales de l'exercice du pouvoir politique, ce qu'il appelle le « strong chief », chef fort, puissant, qui dispose d'une faculté effective de commander à ses sujets, et qui, selon lui, est illustré en Amérique du Sud seulement par deux cas, chez les Chibchas et chez les Incas. Et le titular chief, le chef titulaire, qui est défini, au fond, négativement par son absence de souveraineté et positivement par sa fonction de faiseur de paix, son obligation de munificence et ses dons oratoires. Et à ces attributs du chef indien, que Pierre Clastres reprend de Robert Lowy, Clastres ajoute la polygamie, qui serait une sorte de compensation offerte au leader pour les responsabilités qu'il assume, en même temps que le moyen pour lui d'assurer ses obligations de générosité grâce au travail de ses épouses. Alors c'est un trait qui est loin d'être aussi commun, la polygamie, que le précédent, mais par ailleurs, il est certain que le titular chief, le chef sans pouvoir, le chef titulaire, si vous voulez, tel qu'il est originellement défini par Lowy, correspond à une réalité très commune dans les basses terres d'Amérique du Sud, que ce soit dans les Guyanes, au Brésil central, dans le Haut-Xingu, dans une partie du Chaco. Donc, il est indubitable que le chef généreux, beau parleur, impuissant aussi, existe bel et bien en Amérique du Sud, en certains lieux et à certaines époques. Est-il pour autant la figure unique où se manifeste la sphère du politique? En effet, bien qu'il s'inspire de la définition de la chefferie proposée par Lowy, Clastres se démarque de la perspective évolutionniste au sein de laquelle Lowy avait inséré cette définition. Dans le tableau que Lowy propose de l'organisation politique des aborigènes américains, Lowy s'intéresse à toutes les formes possibles d'exercice de l'autorité. Et il ne considère donc pas que la chefferie soit nécessairement le seul lieu où se manifeste le politique. Et pour donner un sens à l'hétérogénéité des formes d'organisation politique amérindienne, il construit un système de différence de degré sur une échelle d'autorité qui comprend également des modes d'expression d'un pouvoir purement religieux ou d'un pouvoir économique. Cette progression hiérarchique du simple au complexe, qui est le signal, en quelque sorte, de la pensée évolutionniste, fonctionne pour Lowy comme un schéma hypothétique de l'évolution des formes politiques sur le continent. Et donc, à cette différence de degré que Lowy avait mise en avant, Clastres va opposer une radicale différence de nature entre l'État d'un côté et la chefferie sans pouvoir de l'autre. La chefferie sans pouvoir devenant la synthèse de la sphère politique dans les sociétés sans État, puisque c'est par l'impuissance du chef que les sociétés amérindiennes seraient parvenues à exclure le pouvoir politique et en le transformant en quelque sorte en un horizon immanent au groupe. Et évidemment, c'est du point de vue de Clastres, cette passage de la différence de degré chez Lowy à une différence de nature, c'est une façon d'accorder un privilège considérable à l'institution de la chefferie indienne comme condition de possibilité de la mise à distance du pouvoir coercitif. Or, ce terme général de chefferie amérindienne recouvre de fait des situations beaucoup plus diverses que la simple distinction entre titular chief et strong chief, entre un chef avec un pouvoir effectif et un chef titulaire, que Clastres avait reprise de Lowy. Car il existe des différences notables entre les hommes ayant atteint, disons, une certaine éminence parmi les Indiens des basses terres. Certains sont des stratèges qui mènent des expéditions guerrières. D'autres sont des leaders de factions. D'autres encore sont des représentants du groupe local dans ses rapports au monde extérieur. Ou bien ce sont des intendants qui planifient certaines des activités économiques de la collectivité. En outre, de nombreuses sociétés amérindiennes, des basses-terres, tout particulièrement dans la frange subandine, donc en Amazonie occidentale, sont tout simplement dépourvues de chefs. Le cas Givaro, qui est cité par Clastre à plusieurs reprises et que j'ai eu le plaisir de connaître personnellement, est à cet égard tout à fait exemplaire. Le grand homme, ce qu'on appelle le grand homme dans les populations Givaro, le Hunt, c'est un guerrier particulièrement valeureux qui, grâce à son charisme, grâce à son intelligence tactique, est capable de constituer des coalitions militaires, temporaires, mais les membres de la faction dont il constitue le pivot, ils font certes confiance à son expérience, ils acceptent donc son autorité lors de la préparation et de l'exécution d'un raid, mais ça va jamais au-delà. Cette autorité, donc, elle s'exerce de façon purement ponctuelle et elle est fondée sur une compétence ad hoc, celle d'un bon tacticien et d'un homme courageux et habile à convaincre les autres de venir rejoindre sa faction. Elle n'engendre aucune prérogative sociale ou économique. Et au fond, le prestige qui s'attache à la personne du leader militaire n'est pas le résultat de la fonction qu'il peut exercer à l'occasion, c'est au contraire sa précondition. C'est parce que c'est déjà un homme prestigieux qu'il est en capacité de renforcer son prestige dans des raids. Donc le terme de chef ne saurait en aucun cas qualifier le statut d'un tel personnage. Ce n'est même pas à proprement parler un chef de guerre, si l'on entend par là une sorte d'équivalent du dictateur romain à qui sont confiés les pleins pouvoirs en période de crise par libre consentement de tous et qui abandonne ses fonctions lorsque la collectivité a retrouvé la paix. Donc chez les Givaro, comme dans d'autres ethnies amazoniennes, il est impropre de parler d'un chef sans pouvoir, il s'agit tout simplement d'une société sans chef. Le Collège de France et France Culture vous présentent l'anthropologue Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui le roi sacré et l'émergence d'un État coercitif. Alors, est-ce à dire que le pouvoir est absolument absent de ces sociétés, soit parce que son support institutionnel lui fait défaut, soit lorsqu'un tel support existe, parce qu'il serait délibérément privé des moyens de s'exercer. Selon Clastre, je le cite, les sociétés indiennes ont eu l'intuition que le pouvoir est en son essence coercition. Et c'est cette intuition originelle qui les aurait conduits à mettre en scène le pouvoir politique comme, je cite encore Clastre, une négativité aussitôt maîtrisée, car dépouillée de ses attributs coercitifs. Alors on a souvent critiqué, chez Clastre, cette sorte de téléologie abstraite et mécanique qui ferait d'une institution, le chef sans pouvoir, le moyen de prévenir l'avènement d'une autre institution, l'État, dont la société indienne aurait eu comme un vague pressentiment, sans l'avoir jamais connu, pressentiment que l'État était nocif pour les libertés individuelles. Autrement dit, justifier l'existence d'un phénomène social par la fonction qu'il remplit d'empêcher le surgissement d'un autre phénomène encore inédit est une étrange forme de causalité rétrospective, puisque cela implique que le premier phénomène est est entièrement défini par le rôle qu'il joue dans le non-accomplissement du second phénomène, lequel n'existe qu'à l'état de virtualité. C'est du reste une démarche que Clastres renouvelle lorsqu'il rajoute quelques années plus tard, on l'a vu, l'institution de la guerre primitive à l'institution du chef sans pouvoir comme un autre facteur de prévention de l'apparition de l'État. Mais ce n'est pas sur cet aspect qui a déjà été très largement discuté de la thèse de Clastres que je voudrais insister, c'est plutôt sur son eurocentrisme implicite. En déclarant que la société indienne, ce sont ces termes qu'il emploie généralement, en déclarant que la société indienne met tout en œuvre pour prévenir l'émergence du pouvoir coercitif, Clastres fait de ladite société un être transcendant, doté de volition, une hypostase à l'évidence issue directement de la conception durkheimienne de la société comme une totalité supérieure et extérieure aux individus, une personne morale dont les besoins et les fins sont d'une certaine façon hétérogènes à ceux des membres qui la composent, donc une entité autonome animée par un intérêt collectif spécifiquement social qui serait plus et autre chose que la somme des volontés particulières. C'est peu de dire que cette conception transcendante de la société est étrangère à la façon dont les collectifs amérindiens se conçoivent eux-mêmes. C'est une entité ontologique d'un genre nouveau, une entité qui signe l'avènement de la sociologie moderne et que Durkheim lui-même, son inventeur, n'hésite pas à contraster avec des conceptions plus anciennes de la société, telles celles que Rousseau s'en faisait comme simplement la réunion des citoyens. Dans un article sur le contrat social de Rousseau, que je vous invite à lire parce qu'il est passionnant de ce point de vue-là, Durkheim compare en effet la conception qu'il se fait lui-même de l'utilité collective, déterminée en fonction de l'être social considéré dans son unité organique, avec l'intérêt commun, tel qu'il s'exprime chez Rousseau, comme intérêt de l'individu moyen. Intérêt de l'individu moyen qui donne corps à une volonté générale par l'addition de ce qui est utile à chacun. Donc, entre la société transcendante de Durkheim et l'agrégation de particuliers mutuellement obligés par une convention dont le contrat social de Rousseau trace les conditions de légitimation, il y a beaucoup plus qu'une différence de degré, beaucoup plus qu'une variation d'inflexion. C'est la première, à l'évidence, la société transcendante de Durkheim qui sert de modèle à Clastres pour penser les collectifs amérindiens des basses-terres de l'Amérique du Sud. Or, ces collectifs, on l'a vu abondamment lors du cours de l'année dernière, se définissent moins comme des entités transcendantes tout entières tournées vers un but implicite que comme des espèces parmi d'autres espèces, chacune composée d'humains ou bien de non-humains, et dont les membres sont tous dotés d'un égal pouvoir d'agir au sein d'institutions réputées comme semblables, ce qui fait d'eux autant de sujets politiques. Donc prétendre que la société indienne est un être tout entier tourné vers la prévention du surgissement du pouvoir coercitif, c'est ainsi pécher par un ethnocentrisme manifeste en projetant sur les modes de composition des collectifs amérindiens une conception de la société qui ne se met en place en Europe qu'à la fin du XIXe siècle. Claude Lefort, qui a autant de sympathie pour Clastres qu'Eduardo Villarroel de Castro, est pourtant plus lucide. ou plus direct encore, lorsqu'il impute à Clastres une inspiration durkheimienne à propos de son interprétation de, ça c'est un article dont on ne m'a pas parlé ici, de l'inscription de la loi sur le corps comme un rite d'initiation. Et de fait, remarque Claude Lefort, dans un chapitre d'un livre, que je l'ai cité d'ailleurs ici, édité par Miguel Abinsour, de fait, remarque Lefort, si la souveraineté collective de la société primitive s'exprime, et là je cite Lefort, en exerçant un pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose, alors ce pouvoir absolu qui s'oppose à l'émergence du pouvoir coercitif est bien lui-même un pouvoir coercitif. Parce que comme le dit Lefort, je le cite, « Le pouvoir du chef est creux, mais celui du groupe est plein, le premier n'est rien, le second est tout. » Autrement dit, la loi de la société primitive est purement sociale. Elle se ramène à la formule inconsciente de sa constitution comme communauté s'assujettissant rigoureusement tout ce qui la compose et maintenant ainsi ses membres dans une stricte égalité. Je cite encore Lefort, la loi se ramène à l'expression de la volonté collective de la non-séparation. Or, comme le souligne justement Lefort, le contrôle que Clastres impute à la société primitive sur ses conditions d'existence est si rigoureux, si délibéré, si total, que l'on voit mal comment il pourrait, à un moment, faillir et céder la place à la division interne et à l'État. Des causes possibles que Clastres évoque à propos de la transformation du pouvoir politique chez les Tupis Guarani, en particulier le pouvoir religieux des prophètes, l'accroissement du pouvoir des chefs traditionnels et l'expansion démographique, aucun de ces facteurs ne semble en mesure d'ébranler une société primitive aussi fonctionnellement solide. Comme le dit Lefort, l'auteur de la société contre l'État nous a mis en présence d'un système à ce point clos que nul événement ne semble susceptible de l'ébranler. Or, c'est non seulement la conception durkheimienne de la société primitive avancée par Clastres, qui me paraît très ethnocentrique, est ethnocentrique également son imputation aux Amérindiens d'une conception du pouvoir qui est étonnamment identique à celle qu'on propose la philosophie politique occidentale. Car le pouvoir n'est pas nécessairement définissable par sa dimension coercitive. Il n'implique pas nécessairement de commander, de faire respecter ses volontés, d'imposer l'obéissance. Il n'est pas nécessairement l'expression de la volonté d'un seul contre la volonté générale. Et de fait, lorsque des ethnologues américanistes ont employé le terme de « pouvoir » pour désigner une réalité indigène dans un collectif acéphale, c'était toujours pour qualifier la capacité d'un individu à établir, par des moyens, disons, magico-religieux, des relations privilégiées avec des non-humains, les plantes, les animaux, les esprits, au point d'en devenir parfois leur mandataire, ou bien, c'est signale aussi la capacité de certaines personnes à exercer un contrôle sur le bien-être ou sur l'infortune de leurs concitoyens. Et donc la plupart des collectifs amérindiens expérimentent quotidiennement un pouvoir sans doute moins abstrait que la négation de l'autorité politique par la chefferie impuissante. C'est le pouvoir très réel et que s'arrogent un peu partout dans le monde les rois divins d'être les médiateurs entre une communauté et les non-humains qui sont la condition de leur bien-être, une fonction d'intermédiaire qui est rempli dans les collectifs amazoniens par des chamans et par certains spécialistes rituels. Et pourtant, cette idée, elle était présente dans l'article de Lowy, lorsqu'il posait le problème des manifestations de l'autorité hors de la sphère de la chefferie, en spécifiant les deux domaines où ces manifestations se donnent à voir le plus couramment. En premier lieu, il notait que les cas les plus remarquables de l'exercice d'un pouvoir plein et entier apparaissaient à l'occasion de la coordination ou de la planification d'entreprises économiques dans laquelle l'intérêt collectif doit être sauvegardé face à des initiatives individuelles intempestives. Ainsi citait-il par exemple le cas des apinaillers du Brésil, parmi lesquels un représentant de chaque moitié, société à moitié, est chargé d'accomplir les rituels de plantation, mais surtout chargé de punir quiconque ira récolter avant la période appropriée. Autrement dit, le pouvoir coercitif de ces maîtres de culture est sans commune mesure avec l'autorité du chef officiel, parce que contrairement à lui, ils peuvent en effet punir les contrevenants avec une extrême brutalité et par exemple ravager leur maison. Mais c'est surtout le rôle des facteurs religieux dans l'établissement et le renforcement de l'autorité politique qui a retenu l'attention de Lowy. Il y voit l'élément décisif qui permet d'expliquer, dans une séquence évolutive, le passage des chefferies sans pouvoir aux structures politiques plus complexes. Alors, on n'est pas obligé de le suivre, bien évidemment, dans cette évolution conjecturale, mais les faits qu'il mentionne sont intéressants. Lowy évoque les nombreux cas, par exemple, où le chef est aussi un chaman, et il montre que cette conjonction des fonctions engendre une consolidation tout à fait notable du pouvoir politique. Mais évidemment, ce sont surtout les mouvements messianiques qui lui paraissent, à Lowy, manifester le mieux l'exorbitant pouvoir que certains individus arrivent parfois à acquérir dans des circonstances exceptionnelles. Le prophétisme Tupi-Guarani que j'ai évoqué lors du cours de l'année dernière en offre une très bonne illustration. Je rappellerai donc dans ce prophétisme qui a commencé, dont on a tout lieu de penser qu'il a commencé bien avant la conquête, qui n'est pas une réaction au désespoir de la conquête, des prophètes se déplaçaient constamment de village en village pour promettre l'avènement d'une terre sans mal, un lieu de délices où l'on pouvait atteindre l'immortalité sans se soumettre à l'épreuve de la mort. Et grâce à leur talent personnel, ces prophètes errants entraînaient parfois les populations de plusieurs villages dans d'interminables migrations vers la terre d'immortalité, des migrations de parfois plusieurs milliers de kilomètres. L'ascendant qu'ils exerçaient, ces prophètes, sur leurs sectateurs était immense. Leur plus folle volonté était exaucée sans murmure, et on les appelait des hommes-dieux, et ils affectaient la pompe des monarques. À l'instar du souverain Inca, ils ne pouvaient être approchés par les profanes. Alors, l'autorité de ces prophètes, Tupi-Guarani, était d'autant plus ostentatoire qu'elle constituait une sorte de contrepoids, ou peut-être même une réaction, à l'évolution des chefferies locales vers une forme de pouvoir centralisé et autoritaire. Et comme Clastres l'écrit lui-même, les chefs, je le cite, « les chefs Tupi-Guarani n'étaient certes pas des despotes, mais ils n'étaient plus tout à fait des chefs sans pouvoir. » Or, c'est à peine s'il tire les conséquences de ce renversement paradoxal qui vient enraciner la possibilité d'une autorité sans partage dans un lieu étranger à la chefferie. Une phrase seulement, une phrase dans la dernière page de la société contre l'État, concède sur un mode hypothétique que, je cite Clastres, « dans le discours des prophètes, j'y peut être en germe le discours du pouvoir ». Mais cette concession est aussitôt annulée Elle est aussitôt annulée lorsque Clastre définit le prophétisme ou réduit le prophétisme à une sorte de manifestation particulière de l'effort permanent des sauvages pour empêcher les chefs d'être des chefs. En bref, il le réduit, le prophétisme, à un sursaut de la société contre l'État. Comme si les prophètes Tupi-Guarani étaient une sorte d'émanation naturelle, un antidote secrété par une société indienne indivise et transcendante afin de s'opposer à la possible consolidation des pouvoirs du chef traditionnel, alors que tout indique au contraire que ces personnages hors du commun qu'étaient les prophètes disposaient d'un pouvoir exorbitant d'ordonner la vie de leurs concitoyens et de leur imposer leur volonté par un mélange d'autorité charismatique et de persuasion. Donc, du point de vue d'une théorie du politique, ce qu'il faut interroger ici n'est pas tant qu'une réaction prophétique ait pu se produire dans le monde Tupi-Guarani en réponse possible au prodrome de l'émergence d'une chefferie plus structurée, mais bien qu'un pouvoir de nature religieuse, c'est-à-dire fondé sur la capacité d'un individu ou d'un groupe de passer pour la condition du bien-être mondain ou du salut ultramondain de ses concitoyens, et puis ce pouvoir devenir le fondement d'une autorité politique effective. Je ne vais pas ici faire le détail de tous les références ethnographiques qui montrent à quel point, dans certains cas, les chamans amazoniens peuvent être vus comme posséder un pouvoir de cette nature. Je me contenterai de citer un collègue, Jean-Pierre Chomet, qui est un des meilleurs spécialistes du chamanisme amazonien, qui a étudié en particulier le chamanisme d'une population qui s'appelle les Yagua, et qui, en conclusion d'une analyse qu'il propose du statut respectif du chef et du chaman chez les Yagua, fait la remarque suivante, qui rejoint tout à fait mon propos. Je le cite, « Le fait que l'exercice potentiel du pouvoir soit du côté des chamans et non des chefs incline à penser que l'essence même du pouvoir politique est religieuse et que c'est peut-être la seule forme possible de pouvoir dans une société dépourvue d'un organe politique effectif. » Donc, l'un des attributs les plus communs du chaman amérindien, c'est cette fonction de contrôle symbolique exercée sur certaines ressources matérielles ou idéales dont dépend l'existence collective. Et ce statut, à part, lui ouvre un droit à la polygynie, autant qu'à son congénère, le chef impuissant, mais contrairement au chef impuissant qui déploie ses talents oratoires devant un public indifférent, le chaman est toujours assuré d'un auditoire attentif. Est-ce qu'il s'agit d'un véritable pouvoir politique ? Non, si l'on considère, avec le clastre de la société contre l'État, que le politique se résume à exercer ou à exorciser la coercition. Oui, si l'on pense que la faculté d'apparaître comme la condition de la reproduction harmonieuse de la société est une composante fondamentale du pouvoir dans toutes les sociétés prémodernes. Alors, il est vrai que Clastre, peu avant de disparaître, avait changé d'avis sur cette question. Influencé par Marcel Gaucher et par l'article que Gaucher avait publié dans la revue Libre, toujours en 1977, « La dette du sens et l'origine de l'État ». Clastre, quant à lui, semble voir dans la transcendance de la loi religieuse, non pas directement la source de l'État, mais le germe de l'extériorité, déjà tapis dans le corps social dès l'origine et qui ne demande qu'à croître afin d'instaurer la division. Mais la question reste posée. Comment s'actualise-t-elle, cette division ? À quelles conditions devient-elle irréversible ? Pourquoi des institutions comme le chef sans pouvoir ou la guerre primitive sont-elles incapables d'empêcher la métastase de l'hétéronomie divine de contaminer tout le corps social? À cette question, Clastres n'a pas apporté de réponse. Et combien même aurait-il été en mesure de poursuivre son œuvre? Il est à mon sens douteux qu'il aurait pu en fournir une, à tout le moins s'il avait continué à adhérer à une vision aussi surannée de la religion. Une vision surannée, mais aussi très surprenante, sous la plume d'un ethnologue spécialiste par ailleurs des sociétés des terres basses d'Amérique du Sud. Car la population foisonnante des esprits et des héros mythiques n'est pas, dans cette partie du monde, transcendante à la société. Mais elle lui est, au contraire, totalement immanente, animant au quotidien les rêves, les visions, les rencontres fortuites. Les animaux et les plantes personnes, dotées d'une âme, ne siègent pas dans l'Olympe, mais dans la compagnie des humains, lesquels doivent, jour après jour, trouver avec eux et avec leur maître des accommodements. Les mythes ne sont pas des chartes sociales qui édicteraient la loi des reins à laquelle la société doit se soumettre, ce sont des histoires de spéciation expliquant comment les non-humains ont acquis leur forme présente. Bref, il n'y a nulle hétéronomie dans les collectifs animistes et l'on est surpris que Clastres se fasse de la religion une conception parfaitement biblique qui est aux antipodes de celle qu'il a pu observer sur le terrain. Quoi qu'il en soit de cet aveuglement, Clastres a laissé en suspens la réponse à la question des conditions qui permettent le surgissement de l'État ou, comme il préfère l'appeler, de la division du corps social. Il nous faut donc retourner maintenant vers les collectifs analogistes, vers la royauté sacrée, où ce problème se pose de la façon la plus nette. Et c'est ce que nous verrons avec l'examen de la royauté Chilouk dans le Soudan méridional. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 22 février 2017 Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui le roi sacré et l'émergence d'un état coercitif. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola. Il a notamment publié par De la nature et culture en 2005 chez Gallimard et plus récemment La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier chez Flammarion en 2014. Un grand merci à Andy Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie de Philippe Descola son interrogation de l'institution du roi sacré chez le non-moderne. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.